Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1829, les amateurs de poésie se procurent Les Orientales, le dernier ouvrage de Victor Hugo. La lune était sereine et jouait sur les flots. La même année, 1829, les amateurs de Victor Hugo peuvent acheter un autre ouvrage de cet auteur prolixe, Le dernier jour d'un condamné. Dès la préface, le lecteur est étonné quand il lit qu'il y a deux manières de se rendre compte de l'existence de ce livre. Où il y a eu une liasse de papiers jaunes et inégaux sur lesquels on a trouvé enregistrées une à une les dernières pensées d'un misérable, où il s'est rencontré un homme, un rêveur occupé à observer la nature au profit de l'art, un philosophe, un poète. De ces deux explications, le lecteur choisira celle qu'il voudra, précise Victor Hugo. Dans Le dernier jour d'un condamné, et d'un condamné à mort évidemment, le lecteur ne trouve jamais le détail du crime qui a été commis. Cela n'a pas d'importance. Dans ce réquisitoire contre la peine de mort, Hugo a bien compris que la question n'est pas celle de la nature du crime. C'est une question, c'est un combat pour l'humanité. Historiens et historiennes, de leur côté, se saisissent des liasses de papier jaune, celles qui sont évoquées par Victor Hugo. Ils s'adressent aux morts du passé, des hommes, des femmes fusillés ou coupés en deux. La lune était sereine et jouait sur les flots. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons parlé de l'histoire de l'Algérie. Alors que se tenaient les élections présidentielles en Algérie, nous avons évoqué l'histoire des Berbères, histoire millénaire. Nous avons également évoqué les voies de l'indépendance, les voies avec un X ou les voies ES, les différents chemins et les différents discours de l'indépendance. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, actualité. Actualité parce que l'administration Trump a décidé de relancer les exécutions au niveau fédéral, les exécutions capitales. Et pour nous en parler avec nous ce matin, Simon Grivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de l'histoire du droit, de la justice aux États-Unis. Vous êtes maître de conférence à l'université de Lille et votre thèse était intitulée « Tuer sans remords ». C'est toujours un beau titre, hein. C'est bien de travailler les titres de thèse. Tuer sans remords, une histoire de la peine de mort en Californie, de la fin du 19e siècle à nos jours. Simon Grivet, pourquoi la Californie? Il y a quelque chose de spécial dans la Californie pour la peine de mort? Alors c'était l'État qui, enfin c'est toujours l'État qui a le plus de condamnés à mort et qui aujourd'hui n'exécute plus. Qui est dans une situation de moratoire et qui prenait une place de plus en plus importante dans l'histoire des États-Unis. Donc à l'époque, ça m'avait intéressé de me focaliser là-dessus. Voilà. Et justement, la décision de Donald Trump de relancer les exécutions au niveau fédéral peut avoir une incidence en Californie? Non, les États, il faut bien comprendre que les États et le gouvernement fédéral agissent de manière différente, hein. La réalité concrète, quotidienne, j'allais dire hebdomadaire de la peine de mort, ça reste celle des États, hein. Il y a deux jours, le Texas a exécuté son 9e condamné de l'année. Cette année, on a eu 22 exécutions. L'État fédéral, quant à lui, a sous les verrous 61 condamnés à mort. Mais la dernière exécution n'a eu lieu qu'en 2003. Donc, c'est une autre réalité. Mais on pourra en discuter peut-être. Pour le président Trump, c'est un atout électoral. Oui, on sent bien qu'il y a quelque chose d'électoral dans cette décision de relancer les exécutions. Et ce matin, nous parlons exécution, sujet lourd, exécution, et cette fois-ci une exécution contextualisée, c'est-à-dire que nous sommes dans la période de l'épuration, et ça fait de beaucoup de mots en yon, mais Grégoire Kaufmann, vous avez écrit un ouvrage qui fascine dans le sens où il nous prend, puisque c'est une enquête, mais c'est la démarche de l'historien que vous êtes, Hôtel de Bretagne. Bonjour Grégoire Kaufmann. Bonjour. Donc vous êtes spécialiste de l'extrême droite, enfin des droites radicales, vous enseignez à Sciences Po Paris, et vous avez exploré tout un univers. Donc nous sommes en Bretagne, nous sommes autour de Quimperlé, nous sommes par là-bas, et nous sommes en 1944 après une exécution. Rappelez-nous juste, quelle est cette exécution ? Le début de mon enquête, ça a été l'exécution d'Adolphe Fontaine, le 9 août 44, arrêté chez lui, battu, promené dans les rues de Quimperlé, petite ville du Finistère Sud, conduit dans la prison improvisée le matin même par les résistants qui ont libéré la ville et exécuté en fin d'après-midi dans la cour du lycée. Et cette exécution sommaire, en fait, a été le début de mon interrogation sur le rôle joué par mon grand-père maternel, Pierre Brunnery, le chef de la résistance locale. Quel avait été son rôle dans cette exécution à la Libération? Ben justement, c'est le sujet du jour dans le cours de l'histoire. Exécution, mise à mort, peine de mort, collaboration, épuration. Justement, Anaïs Quien fera un écho dans son journal de l'histoire en fin d'émission sur des procès attendus, des procès compliqués. Mais pour le moment, vous savez qu'ils sont 12 à nous attendre. Oui, ils sont 12, ils sont en colère. 12 hommes en colère dans le film de Sidney Lumet en 1957. 12 hommes qui doivent décider du sort d'un autre homme, coupable ou non coupable. La chaise électrique, elle aussi, attend. Que ceux qui votent coupable veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable? Un seul, merci. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous expliquez. Bon sang, bon sang. Vous croyez qu'il est innocent? Bon sang, c'est toujours comme ça. Tout le monde votait coupable, alors? J'ai trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant. Mais qui a dit que c'était facile? Personne. Je crois que ce gosse a tué. Et il est coupable, c'est mon impression. Coupable. Coupable. Coupable. Coupable. Je suis convaincu. Coupable. Coupable, 12 hommes en colère, de Sidney Lumet en 1957. Dites-nous, Simon Grivet, pour dater l'abolition de la peine de mort, c'est vrai que c'est assez simple dans le sens où c'est une décision. Vous avez étudié la peine de mort en Californie, ça commence quand? Moi, j'ai envie de dire, il n'y a jamais de début en fait pour la peine de mort. Ça commence à la fondation de l'État dès le milieu du 19e siècle. Ensuite, en Californie, on a quelques épisodes de justice populaire, un peu de lynchage. Et puis très vite, les Californiens vont vouloir montrer, entre guillemets, qu'ils sont civilisés. Donc ils vont suivre l'exemple juridique et judiciaire le plus important de l'époque, c'est-à-dire ils vont adopter le code pénal de l'État de New York, qui faisait référence. Et dès la fin du 19e, ils ont une structure juridique très claire. Pendant un moment, les exécutions ont lieu dans chaque comté, géré par les shérifs, et puis les shérifs, comme dans la plupart des États, se plaignent, disent que c'est une charge trop lourde, et donc en 1891, en Californie, on décide d'organiser toutes les exécutions dans les pénitenciers. Il y en a deux qui sont pas très loin de San Francisco, il y en a un à Saint-Quentin, de l'autre côté de la baie de San Francisco, et l'autre à Folsom, à côté de Sacramento. Donc on a la Californie, là, s'inscrit dans le processus de la plupart des États qui a été vers la privatisation de ces exécutions. On les a cachées du public, on voulait les faire de manière plus discrète. Le plus discrètement possible, Simon Grivet. Donc on passe d'une justice un peu folle, celle du lynchage, à une justice organisée qui s'appuie sur un code, à des exécutions beaucoup plus privées. La Californie est un État que vous avez étudié, donc il a quelque chose de particulier, parce que c'est vrai que, vous dites, il y a énormément de condamnés en Californie, il y a un souci de cacher aussi les exécutions. Cette particularité, en fait, ça, elle vous semble essentielle, ou la peine de mort en Californie reflète ce qui se passe partout ailleurs? En gros, on exécute en Californie pour les mêmes raisons. L'exemple, par exemple. Alors, là, les motivations de la peine de mort, on a au départ effectivement une valeur d'exemple qui est très forte pour toutes les juridictions états-uniennes. Et puis, progressivement, bah, on s'aperçoit que c'est de plus en plus décrédibilisé. C'est-à-dire que le débat et les prises de position des abolitionnistes montrent que les taux de criminalité ne baissent pas en fonction des exécutions. Donc ce qu'on voit émerger très fortement depuis 50 ans, c'est la question droit des victimes, entre guillemets, des proches des victimes. C'est comme ça que on va pouvoir expliquer et justifier les exécutions. On va dire, il faut le faire parce que les proches de victimes en ont besoin pour se sentir mieux, pour affronter le chagrin. Il faut leur rendre justice à elles. Donc on va même prendre des dispositions pour qu'elles aient le droit d'assister à ce qui se passe. Donc en Californie, par exemple, sous Schwarzenegger, on avait reconstruit la chambre d'exécution à Saint-Quentin avec trois parties dans le public, une partie pour les officiels, une partie pour les proches du condamné et une partie pour les proches des victimes pour qu'ils soient bien tranquilles pour regarder cette mise à mort. Et les dernières exécutions qui ont eu lieu là ces derniers temps dans le sud, au Tennessee, au Texas, on a mis en avant aussi les proches de victimes comme l'espèce d'atout ultime pour justifier cette mise à mort, cet assassinat légal. Alors Simon Grivet, justement, cette mise à mort qui n'est plus publique, mais enfin certaines personnes peuvent y assister, donc là encore il y a quelque chose d'un peu flou, il y a la famille, il y a les journalistes, et parfois l'exécution se passe mal. Et là, il y a un vrai problème, parce que les gens assistent à ça, que ce soit la famille qui prend un traumatisme supplémentaire en pleine face, que ce soit les journalistes car ils sont témoins. Exemple, c'est en 2014 avec l'exécution de Clayton Lockett, reportage sur France 3. Il s'appelait Clayton Lockett. Pour avoir enterré vivante une femme, il était condamné à mort depuis 2000. Peine exécutée hier dans un pénitencier de l'Oklahoma. Par injection d'un produit mortel à 18h23. Mais très vite, les journalistes témoins de l'exécution voient que l'effet du produit n'est pas immédiat. À 18h39, il soulevait encore sa tête et ses épaules en grimaçant. Et il manifestait des signes de souffrance. On a pu observer ça jusqu'à 18h39. Et au bout de 16 minutes, ils ont fermé le rideau. Depuis 3 ans, les 32 États américains qui appliquent la peine de mort ne peuvent plus se procurer de thiopental, l'un des trois produits de leur cocktail mortel, le barbiturique qui endort le condamné. Car les fabricants américains puis européens refusent désormais d'en fournir aux prisons américaines. Résultat, elles ont recours à des préparateurs en pharmacie. Dans le cas de Clayton Lockett, le produit employé pourrait être du pentobarbital, généralement utilisé pour les animaux. Un produit utilisé pour les animaux pour endormir un condamné, ce qui ne fonctionne pas. Simon Grivet, dans les discours autour de la peine de mort, que ce soit pour l'abolir ou pour la justifier, est-ce que des scènes comme celle-là, celle de l'exécution de Clayton Lockett, qui est un désastre, qui est une véritable barbarie, une torture, est-ce que ces moments-là sont repris dans les discours? Est-ce qu'ils ont une influence? Bien sûr, la question de la douleur, de la souffrance du condamné est centrale depuis un siècle et demi. Hein. Il faut savoir qu'historiquement, la chaise électrique a été mise en œuvre parce que c'était censé être un moyen moderne qui tuait sans douleur. Et puis toutes les évolutions techniques, la chambre à gaz utilisée en Californie de 1938 au début des années 90, et puis la dernière incarnation, l'injection létale, sont toujours justifiées au nom du fait que la mise à mort serait sans douleur. Et parce que vous parliez du dernier jour d'un condamné en introduction, aux États-Unis, on nie la souffrance morale. La souffrance morale n'existe pas pour le condamné, elle n'est que souffrance physique. Et du coup, depuis la fin des années 70, on a ce modèle de l'euthanasie animale qui serait censé régler tous les problèmes, qui serait censé être la panacée. Du coup, fin des années 70, début des années 80, on met en place cette fameuse injection létale. Et pendant 10-15 ans, on a l'impression que tout se passe très bien, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, c'est une procédure médicale, quasi médicale, et qu'elle est délicate, elle est difficile. Le personnel pénitentiaire, les bourreaux ne sont pas médecins. Les médecins refusent, en termes éthiques, de participer à ces exécutions. Donc souvent, il y a des erreurs tragiques. En Californie, on a découvert, par exemple, que les bourreaux ne savaient pas ce qu'ils faisaient quand ils préparaient les produits. Donc il fallait qu'ils doublent les doses, qu'ils triplent les doses. Et on a découvert, si je peux rentrer un peu dans les détails sordides, Il y a 3 produits qui sont utilisés. Le premier doit vous endormir, le deuxième vous paralyser, le troisième vous achever. Et on a découvert, notamment en Californie, que le premier produit anesthésiant ne fonctionnait pas. Donc vous étiez sous injection de curare, progressivement paralysé, sans pouvoir rien dire, et en pleine conscience. Donc on pense qu'un grand nombre de condamnés ont été exécutés dans des souffrances épouvantables. Et en plus, dans d'autres états, là on a carrément eu des problèmes tout simplement d'injection, c'est-à-dire où trouver la veine, comment le faire, etc. Et donc ça participe de la crise actuelle de la peine de mort aux États-Unis, qui est très forte. Hein. Il faut savoir que 1999, on était à peu près une centaine d'exécutions par an. Cette année, 20 ans plus tard, on va être à seulement 22 exécutions. Donc, ça joue. Après, ça convaincra pas les gens qui sont là pour regarder la personne souffrir, hein, notamment les proches de victimes, qui vont dire « mais c'est encore trop doux pour lui, finalement il s'endort alors que mon frère, mon père, ma femme ont souffert d'atroces souffrances », ce qui est vrai. Ce qui est vrai, et Simon Grivet, quand on étudie l'histoire de la peine de mort, on sent que les arguments, en fait, traversent les décennies, traversent les siècles. C'est toujours la même chose. C'est toujours un peu la même chose. Oui. Et comment on assiste à une évolution, en revanche, juridique de l'abolition de la peine de mort en Californie, par exemple? Qu'est-ce qui fait que l'on décide de ne plus exécuter? Alors, en fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que on a une distanciation par rapport à l'exercice même de la mise à mort. C'est-à-dire que le système a longtemps fonctionné parce qu'on a divisé les tâches. Il y avait ceux qui condamnaient, vous avez joué un clip tout à l'heure de 12 hommes en colère, donc il y avait les citoyens qui participent au jury qui disent bah lui, il faut le tuer. Et puis il y a le juge qui condamne, et puis il y a ceux qui le surveillent, et puis il y a les bourreaux à la fin. Donc tout ça a été divisé, et on a constaté pendant au XXe siècle que le temps judiciaire se dilate, c'est-à-dire que entre la condamnation à mort et l'exécution, on avait quelques mois au début du siècle, et maintenant on en est à 20-30 ans. Donc de plus en plus, on voit les acteurs de la peine de mort dire « attendez, moi je voudrais bien prendre mon temps, parce que là il y a des problèmes ». Et de plus en plus, les magistrats, notamment les magistrats fédéraux, qui ne sont pas élus, qui sont nommés à vie, eh bien prennent leur temps, c'est-à-dire qu'ils disent « mais attendez, comment cette personne a-t-elle été condamnée à mort? Sur quel fondement? Qui a trouvé qu'elle était vraiment coupable, etc. ?» Donc on a cette crise lente qui se produit et qui entre en conflit directement avec une particularité états-unienne notamment, et ça se joue en Californie aussi, qui est le côté assez populiste de la justice, où les citoyens peuvent intervenir directement. Et les citoyens, on leur dit souvent, on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années en France, du référendum d'initiative populaire. Aux États-Unis, référendum d'initiative populaire, ça a servi depuis un siècle et ça a souvent eu des conséquences assez profondes pour le système judiciaire. Et à chaque fois, on a demandé aux citoyens « Est-ce que vous êtes pour exécuter ces monstres ?» Bah oui, les citoyens ont souvent dit oui. Alors là, les courbes de sondage se rapprochent. On arrive peut-être à un équilibre, mais pour l'instant, on a encore un travail supplémentaire à faire vis-à-vis de l'opinion. Travail supplémentaire à faire vis-à-vis de l'opinion, c'est le travail de l'historien, de l'historienne, d'analyser, de comprendre, de donner des arguments. Nous ne sommes pas là pour prendre parti, nous sommes juste là pour expliquer. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, aujourd'hui, nous réfléchissons à ce que signifie mettre à mort un homme, mettre à mort une femme. Et dans les éléments d'explication, il y a les penseurs, notamment un des plus importants, on peut le dire sur cette question-là, c'est Foucault, Michel Foucault, Surveiller et punir, c'est en 1975, une lecture qui date de 1988. Ceux qui volent, on les emprisonne. Ceux qui violent, on les emprisonne. Ceux qui tuent également. D'où vient cette étrange pratique et le curieux projet d'enfermer pour redresser que portent avec eux les codes pénaux de l'époque moderne? Un vieil héritage des cachots du Moyen-Âge? Plutôt une technologie nouvelle, la mise au point du 16e au 19e siècle de tout un ensemble de procédures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois dociles et utiles. Surveillance, exercice, manœuvre, notation, rangs et places, classement, examen, enregistrement, toute une manière d'assujettir les corps, de maîtriser les multiplicités humaines et de manipuler leurs forces s'est développée au cours des siècles classiques dans les hôpitaux, à l'armée, dans les écoles, les collèges ou les ateliers. La discipline. Le 18e siècle a sans doute inventé les libertés, mais il leur a donné un sous-sol profond et solide, la société disciplinaire dont nous relevons toujours. Michel Foucault, Surveiller et punir. Simon Grivet, quand vous étudiez en tant qu'historien la peine de mort depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours en Californie, on retrouve ces arguments qui reviennent sans cesse. Il faut condamner à mort par vengeance, condamner à mort pour se débarrasser d'un monstre, ou alors pour l'exemple, pour tout le monde. Et puis, au milieu de tout cela, il y a des réflexions, des penseurs. Est-ce que le penseur a un écho, en fait, sur quelque chose qui est tellement charnel, qui touche à l'émotion? Alors, vous venez d'évoquer Michel Foucault. Pour les historiens, il est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'il y a un avant et après 1975. Pendant très longtemps, on a eu des historiens, souvent très engagés, opposés à la peine de mort, qui ont voulu faire la chronique du progrès, c'est-à-dire de cette marche absolument inévitable vers l'abolition. Avec Foucault, on a de nouveaux outils pour penser la technologie du châtiment et comprendre que peut-être que quand on avance vers l'abolition, c'est pas toujours la meilleure façon de le penser en termes de progrès ou pas progrès. Il faut regarder au-delà, il faut regarder ce qui se passe quand on passe du châtiment sur le corps au châtiment sur ce qu'il appelle l'âme, c'est-à-dire vers l'incarcération. Après, Foucault, Michel Foucault est très intéressant aussi pour nous parce que il avait l'air de dire que les exécutions allaient forcément disparaître puisqu'il n'y avait plus besoin de châtier les corps. Et l'exemple états-unien nous montre que c'est plus compliqué que ça, quoi. C'est-à-dire que même si on voit que la plupart des gens sont aux États-Unis, les criminels et les délinquants sont incarcérés, on conserve une valeur symbolique très forte à un petit groupe qui va être mis à mort d'une façon finalement presque médicale, quoi. Donc beaucoup d'historiens et de penseurs qui réfléchissent sur cette question de la peine capitale ont un dialogue post-mortem avec Foucault en disant vous nous avez donné ça, comment on va faire pour adapter ces outils? Et donc c'est une discussion complexe mais qui est très féconde, vraiment. Simon Grivet, c'est vrai que cette marche inéluctable vers l'abolition, que l'on pourrait faire débuter avec Hugo au XIXe siècle, qui se poursuit comme ça, on voit bien qu'elle n'est absolument pas inéluctable. L'actualité nous le montre, Trump qui veut mettre en place des exécutions au niveau fédéral. Dites-nous, l'aspect politique de la chose est essentiel. C'est électoraliste. Absolument. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, aux États-Unis, les citoyens ont la capacité de peser sur l'évolution du droit pénal de manière beaucoup plus franche qu'en France. D'abord, les procureurs et les magistrats sont élus par les citoyens. Les citoyens participent directement à la justice. Ce sont eux qui siègent dans les jurys de cour d'assises sans magistrats. Et puis, depuis un demi-siècle, on a une politisation des faits de violence, de criminalité, de manière assez systématique. Et ce qui se passe avec Donald Trump est tout à fait éclairant. Vous avez quelqu'un qui, depuis 30 ans, joue la carte de l'insécurité. Il y a une affaire célèbre que les New Yorkais connaissent bien, un cas de viol à la fin des années 80 dans le parc de Central Park, où 5 jeunes hommes noirs et hispaniques ont été arrêtés, accusés à tort d'avoir violé une joggeuse dans le parc de Central Park. 1989, Donald Trump publie une tribune dans la presse en réclamant le retour de la peine de mort, en disant « ce sont eux, ce sont les coupables, il faut qu'ils soient exécutés ». Or, ces jeunes hommes n'avaient rien fait, ils étaient innocents, ils ont été reconnus innocents après une dizaine d'années en prison. Donc aujourd'hui, pour lancer sa campagne 2020, pour montrer qu'il est vraiment un adversaire de la criminalité, il vient pêcher dans ce couloir de la mort fédérale pour essayer de faire exécuter une poignée de condamnés à mort avant l'élection. Oui, c'est vraiment un clin d'œil, un appel du pied à son électorat de droite et d'extrême droite. De droite et d'extrême droite. Et justement, Grégoire Kaufmann, vous êtes avec nous. Vous êtes spécialiste de la droite, de l'extrême droite. Vous êtes biographe d'Edouard Drumont, qui est vraiment la figure marquante de l'antisémitisme. Et puis même, les titres de vos ouvrages, Le Nouveau FN, Les Vieux Habits du Populisme. Peine de mort et populisme, ça se marie bien ensemble. Oui, ça n'a pas été tout à fait moi mon axe de réflexion par rapport à mon sujet, mais en étudiant évidemment l'histoire du Front National, il y a évidemment des constantes et c'était une option hautement revendiquée très longtemps par le parti de Jean-Marie Le Pen dans les années 70 et 80, et encore aujourd'hui par Marine Le Pen. Oui, voilà, c'est ça, hein, la peine de mort comme argument électoral, avec toujours cette idée que ce sont des criminels, donc ça n'a pas d'incidence majeure, mais parfois les criminels, il faut aller les voir, il faut aller en prison. C'est ce qu'a fait dans une prison que vous connaissez bien, Simon Grivet, parce que c'est la prison de Folsom, donc on est en Californie. C'est ce qu'a fait Johnny Cash, oui, le 13 janvier 1968. Il a enregistré un album en direct dans cette prison de l'État, une prison d'État, celle de Folsom, en Californie. Et puis d'ailleurs, Johnny Cash se présente tout seul. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Johnny Cash dans la prison de Folsom et aussi dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Johnny Cash qui chantait dans une prison californienne, eh bien nous restons dans le Grand Ouest, enfin le Grand Ouest européen, puisque nous allons à Quimperlé, nous allons en Bretagne avec vous, hein, Grégoire Kaufmann. Hôtel de Bretagne, c'est votre ouvrage publié chez Flammarion. Racontez-nous, parce que c'est quoi le début de cet ouvrage ? Vous l'avez dit hein, tout à l'heure, en fait, c'est une anecdote de famille. Oui, en fait, c'est une rumeur familiale dont j'avais été informé dès mon adolescence, selon laquelle mon grand-père, Pierre Brunnery, donc l'un des chefs de la résistance locale à Quimperlé, eh bien, une rumeur selon laquelle il aurait cautionné, voire commandité, une exécution sommaire survenue à la Libération, et j'en savais absolument pas plus. Donc j'ai dû enquêter, j'ai commencé mon enquête en retrouvant des archives hein, qui dormaient dans le grenier familial à Quimperlé, des lambeaux d'archives, qui m'ont mis sur la piste d'autres fonds d'archives, et là ça a été une corne d'abondance, et j'ai pu réunir donc des documents qui m'ont permis de retracer l'itinéraire de ce grand-père que je n'ai quasiment pas connu puisqu'il est mort lorsque j'avais 4 ans. Et à travers ce destin français, bah, j'ai essayé de comprendre aussi ce qui avait pu se passer en Bretagne au moment de la libération de Quimperlé, mais aussi à l'époque du Maquis et auparavant, lorsque mon grand-père également était dans la résistance à Toulouse. Et je suis allé de surprise en surprise et d'émotion en émotion, puisque je faisais connaissance avec cet inconnu, ce grand-père, Pierre Brunnery, figure contradictoire, attachante et tiraillée entre des impératifs qui l'ont sans doute conduit à cautionner et à commanditer donc des exécutions sommaires à la Libération. Il y a celle survenue à Quimperlé, mais il y a quelques jours plus tôt, 4 membres d'une même famille qui sont exécutés dans des fermes dans le petit village de Kérien. Et là aussi, je vois que mon grand-père intervient dans les dossiers d'instruction ouverts après la guerre, et bah, j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé, tout simplement. Grégoire Kaufmann, la mémoire de ce grand-père à l'intérieur de votre famille était une mémoire héroïque. C'est le grand résistant, c'était ça. Vous commencez à creuser. Donc, au début, ce sont des archives familiales. Hein, dans le grenier, ce sont... Quel type d'archives, des correspondances ? Alors, la correspondance amoureuse entre mes grands-parents, d'abord, qui court du début des années 30 en 1940-1941, qui est une très très belle correspondance. Et j'ai également retrouvé dans ces archives familiales des pièces, des copies de pièces juridiques relatives justement à ces instructions menées après la guerre par les familles de collaborateurs ou de prétendus collaborateurs exécutés par la résistance, que j'ai aussi appris à la faveur de ma recherche, c'est qu'il y avait eu dès l'automne 44 en fait des familles en fait de victimes de l'épuration qui portaient plainte, et donc il y a des instructions très sérieuses qui sont menées, qui sont d'ailleurs souvent font appel à beaucoup de témoins, d'acteurs de ces événements là et donc c'est très très riche pour moi, puisque ça fait vivre aussi une galerie de personnages que j'ai essayé de découvrir à travers ma démarche. Et surtout que dans ce que vous étudiez, Grégoire Kaufmann, il y a, on va dire, pour simplifier, 3 temps différents. Il y a le temps de l'occupation, le temps de l'épuration et puis l'après-épuration. Ces trois temps-là sont différents. On va commencer par le premier, le temps de l'occupation, avec un document exceptionnel que conservent les archives de l'INA. C'est un document de la BBC. Donc la BBC, en 1943, qui demande à des Bretons qui ont rejoint la France libre, de raconter la vie quotidienne des Français sous l'occupation. Dites-moi, mais comment va le ravitaillement en France ? On ne trouve plus rien à manger. On n'a qu'un litre de vin par semaine. 250 grammes de pain noir comme du charbon. Les épiceries sont vides. Même du cidre, il n'y en a plus. Les Boches ont pris toutes les pommes. Les salauds. Et comment fait-on pour vivre ? On fait des échanges. Par exemple, nous, on pêchait. Ben, on échangeait le poisson contre du lard avec les fermiers. Puis le lard contre des habits ou autre chose. Poisson constitue en somme votre principale nourriture. Et qu'on ne le refuse pas au poisson. Ça vaut mieux que de le topinambour et les betteraves au cochon. On le fait bouillir quand il n'y a pas de graisse ni beurre. Quoi ? Pas de beurre en Bretagne ? Les Allemands le réquisitionnent à la ferme, ainsi que le lait, les œufs et la volaille. Ils pillent toujours, quoi ? Oh, le pillage est fini. Il n'y a plus rien. Maintenant, ils réquisitionnent le peu qui reste. Puis, ils paient avec l'argent en papier. Des Bretons qui, en 1943, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, racontent à la BBC, ils sont réfugiés à Londres évidemment, ils racontent à la BBC le quotidien des Bretons. Il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de beurre. C'est difficile. Grégoire Kaufmann, à quoi ressemble l'occupation en Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale ? C'est une occupation très dure ? Oui, alors la petite ville de Quimperlé, qui est un peu le théâtre de mon récit, connaît un bouleversement radical en quelques semaines. Quimperlé avant la guerre, c'est une petite ville de 10 000 habitants, un peu somnolente, située aux portes de la Cornouaille. Et puis, en quelques semaines, la population va doubler, hein, 20 000 habitants, avec des travailleurs étrangers arrivés de toute l'Europe. On y parle toutes les langues d'Europe. C'est Babel en Finistère. On y parle tchèque, hongrois. Il y a des Belges, des Hollandais et même des Nord-Africains. Pourquoi cette présence étrangère et pourquoi cette ville saturée de nouveaux arrivants ? Eh bien, cette présence est liée à la présence sur le littoral de l'organisation Todd, en charge d'édifier le mur de l'Atlantique et de construire ce système de blocos, de casemates, de guets qui bouleverse donc toute la côte littorale. Et l'Orient et la base fortifiée de l'Orient accueillent évidemment une partie de ces travailleurs étrangers, et Quimperlé devient un peu leur cité dortoir. Donc on a vraiment affaire à une petite ville qui tout d'un coup doit s'adapter à ce changement radical, une ville donc submergée, saturée, avec une véritable électricité dans l'air qui rend les habitants du canton hautement irritables. Et qui va également être à la base d'une forme de violence qui va déferler au moment de la période du maquis et au moment de la libération. Mais il faut bien se mettre à la place du Quimperlois qui n'a jamais vraiment quitté son petit pays Quimperlois, et qui tout d'un coup assiste à ce bouleversement. C'est assez vertigineux. Et puis au centre de votre ouvrage, Grégoire Kaufmann, il y a l'Hôtel de Bretagne. Bah, d'ailleurs, c'est le titre de votre ouvrage, Hôtel de Bretagne. Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors l'Hôtel de Bretagne, c'était l'hôtel tenu par la famille de ma grand-mère, Imelda. C'était l'hôtel qui était situé juste en face de la gare de Quimperlé. Un hôtel qui marchait assez bien, assez prospère, tenu par ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère, qui étaient des Bretonnes à fort tempérament et qui tenaient. C'était un matriarcat breton qui tenait cet hôtel. C'est aussi le lieu en fait de la rencontre entre mon grand-père et ma grand-mère. Et c'est d'ailleurs dans cet hôtel qu'ils se marieront en 1939. Cet hôtel de Bretagne est donc comme un personnage de mon livre. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'à partir de 1940, évidemment, l'hôtel est occupé par les Fels gendarmes, par les travailleurs de l'organisation Todd, et au moment du maquis, durant l'été 1944, l'hôtel va également accueillir les réunions clandestines de la résistance. Donc mon grand-père se réunit dans l'arrière-salle, à la barbe de l'occupant, dans l'antre de la bête, pensant que jamais les Allemands n'auraient l'idée d'aller les y chercher. Il y a aussi au moment de la libération, les réfugiés qui viennent à l'hôtel de Bretagne. Donc il y a vraiment évidemment un enjeu qui explique le titre de mon livre. Et puis, Grégoire Kaufmann, vous l'avez évoqué, il y a ce mur de l'Atlantique à construire qui demande des travailleurs venus de l'étranger, bien sûr, et qui arrivent et qui s'installent, notamment, ils peuvent être à l'Hôtel de Bretagne. Et puis, il faut des entrepreneurs pour construire ce mur. Et bien sûr, les entrepreneurs qui sont là, sur place, alors sont sollicités de force, ou peut-être moins de force, mais il y a de l'argent qui circule. C'est au cœur du problème, des tensions qui vont se créer à l'intérieur de cette population. Là, nous parlons de Quimperlé et Bretonne, mais on pourrait parler de tout le littoral. Voilà, il y a certaines entreprises qui sont purement et simplement réquisitionnées, mais évidemment des industriels, des chefs d'entreprise qui travaillent avec l'occupant et qui évidemment ont aussi de belles affaires à opérer avec l'organisation Todd, qui paye très bien. Et il y a un personnage clé à Quimperlé durant cette période, c'est un petit comptable qui n'est pas du coin, hein, qui est un réfugié de Lorient, Adolphe Fontaine, et qui est le chef du personnel et le chef comptable de l'organisation. Donc il est au courant et bien des transactions entre l'occupant et les industriels locaux qui cherchent à faire des affaires donc avec l'organisation Todd, et il va découvrir sans doute des secrets dont il n'aurait pas dû être informé, ce qui expliquera sans doute son exécution sommaire à la Libération. 6 juin 1944, c'est le débarquement. Alors, le débarquement est difficile, on le sait bien, mais la progression également est très difficile. Il faut attendre le mois d'août pour que les Alliés arrivent jusqu'en Bretagne. Le mois d'août, le 9 août, en l'occurrence, c'est ce début du mois d'août, en fait, où il n'y a plus d'autorité sur place. Les Allemands sont partis, le gouvernement français n'est pas encore mis en place. C'est quoi cette période de transition? Ça dure... C'est pas si long que ça, c'est quelques jours, quelques semaines. Oui, c'est-à-dire après la percée d'Avranche, évidemment, lorsque les Américains, les blindés américains déferlent vers l'ouest, ils libèrent une à une les villes bretonnes, et Quimperlé en fait est libéré sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré à l'intérieur de ses murs, puisque les Allemands sont partis la veille, ils ont fui vers le camp retranché de Lorient, et les résistants qui encerclaient la ville vont fondre sur leur cible, prendre Quimperlé au matin du 9 août, et installer le nouveau pouvoir FFI, et puis évidemment commencer à emprisonner les suspects, les collaborateurs. Il y a aussi des scènes de femmes tondues à Quimperlé, comme dans beaucoup de petites villes bretonnes à l'époque. Tondues, exécutées aussi pour certaines. C'est vrai que ce n'est pas simplement l'humiliation absolue de tondre les femmes. Et parfois, vraiment, on sent que les fusils sont sortis, il y a des gens fusillés. Nous allons écouter le secrétaire général de la justice, donc du gouvernement provisoire, il s'appelle Marcel Villard, qui parle. Alors, on est un petit peu après la libération de Quimperlé. La libération, enfin, c'est le 9 août 1944. Et là, Marcel Villard parle le 26 août 1944. Mais vous allez voir, le message est clair. Français, Françaises, à mesure que la nation se libère elle-même par son victorieux effort, avec l'appui de ses alliés, elle exige avec plus de force le châtiment immédiat des traîtres et des profiteurs de la défaite. Elle attend de son gouvernement provisoire une fermeté inflexible et prompte à l'égard de tous ceux qui ont des comptes à lui rendre. Elle entend que les responsables, tous les responsables, soient mis hors d'état de nuire, hors d'état de se soustraire au sort qu'ils méritent. Devant la patrie encore en danger, votre gouvernement provisoire assume toute la responsabilité de cette œuvre de justice et de salut public. Il frappera haut, vite et juste. Il frappera haut, vite et juste. C'est Marcel Villard, secrétaire général à la justice du gouvernement provisoire. Au moins, le message est clair. Alors, Marcel Villard... pense sans doute à ceux qui ont participé au gouvernement de Vichy, qui ont soutenu Pétain. Mais des messages comme ça sont entendus par l'ensemble de la population qui, après tant d'années d'occupation, peuvent se venger. Disons-le, nous sommes sur la période très courte, on est sur un moment de vengeance. Et vous, Grégoire Kaufmann, quand vous étudiez Quimperlé au tout début du mois d'août 1944, il y a une volonté de vengeance. Oui, alors il y a vraiment deux phases dans l'épuration qu'il faut peut-être rappeler. Il y a l'épuration extrajudiciaire qu'on a parfois appelée sommaire, l'épuration sommaire, même si ce terme est assez réfuté par les historiens. Et puis, dans un second temps, il y a l'épuration légale avec les tribunaux qui se mettent en place, les cours de justice et les chambres civiques. Donc il y a vraiment deux séquences qu'il faut bien insister sur cette distinction. Et à Quimperlé, évidemment, l'épuration extrajudiciaire commence dès avant la libération, puisqu'il y a les règlements de compte qui surviennent dès la période du maquis. Et il y a des femmes qui sont d'ailleurs tondues avant la libération de Quimperlé. Et j'ai d'ailleurs retrouvé des archives qui montrent que mon propre grand-père, en fait, organise la tonte de deux femmes au coin d'un bois, deux femmes soupçonnées de collaboration sexuelle et de collaboration horizontale, et qui sont donc arrêtées par mon grand-père, qui les fait tondre. Donc voilà, ça a un peu interrogé aussi le regard que je pouvais porter sur lui. J'aurais peut-être préféré le savoir parmi les rares résistants qui avaient manifesté leur réprobation des tontes, mais non, mon grand-père, en l'occurrence, s'avère parfaitement adapté aux normes qui gouverne l'identité maquisarde et cautionne les tontes. On en fait un outil de coercition. On en fait un outil de coercition qui est aujourd'hui abominable, on le sent bien, et je pense qu'il l'est dans le sens où certains, dès 1944, en avaient conscience, mais ce mouvement de ferveur, après beaucoup d'années d'occupation, ça joue beaucoup hein, sur les 4 ans d'occupation, et puis d'un seul coup une libération absolue, fait que les hommes, les femmes ont des actes qui les dépassent peut-être eux-mêmes. Vous, Grégoire Kaufmann, quand vous étudiez votre grand-père, vous regardez ce qu'il a fait, c'est surprenant dans le sens où d'un seul coup, il a accès aux armes, il les avait parce qu'il était résistant, mais il peut les utiliser. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a pris comme décision ? Vous venez de parler de tondre des femmes, il y a des exécutions. Non mais de toute façon, avant tout cela, il a dû organiser le maquis dans une improvisation de tous les instants. Il faut savoir que les petits maquis manquent d'armes, ils sont très peu organisés, il y a des problèmes de transmission. Donc après le 6 juin 44, il y a la grande montée au maquis et mon grand-père se retrouve avec un afflux de volontaires. Il doit gérer un petit peu tout ce petit monde, les organiser. Comme c'est un militaire de carrière, il va tenter de professionnaliser un peu cette résistance qui se manifeste à ce moment-là. Et puis il faut aussi insister sur le contexte de la répression allemande. C'est-à-dire qu'il y a le tribut de sang payé par la résistance bretonne aux représailles allemandes explique aussi ce déferlement de violence qui surgira après la libération et cette vengeance qui se manifestera à travers l'épuration sauvage. Donc il y a aussi mon grand-père qui est vraiment aussi aux prises avec ces enjeux. Il doit aussi improviser chaque jour pour essayer de comprendre ce qui se passe, avoir un peu aussi la carte des maquis parce que ça lui échappe largement. Il finit par cautionner et par commanditer sans doute un certain nombre d'exécutions sommaires. Est-ce qu'il pouvait faire autrement ? Et après la libération, est-ce qu'il aurait dû déjuger ces hommes ? Par solidarité avec eux, il les a donc couverts. L'honneur du maquis avant tout. Voilà, donc c'est ce que j'ai également essayé de décrypter à travers cet itinéraire d'un héros ordinaire au moment de la libération de Quimperlé. Hôtel de Bretagne, Grégoire Kaufmann, vous avez croisé des gens qui ont été exécutés. Vous les voyez, ils ont été exécutés pour avoir collaboré. Il y a eu des procès ensuite, et ça c'est la troisième étape. La famille de ces gens qui ont été tués sommairement font une action en justice. Alors souvent, ça se termine par un non-lieu en fait. Oui, ça se termine tout simplement par un non-lieu car mon grand-père intervient dans l'instruction à chaque fois. Il demande d'être poursuivi lui aussi. Il couvre totalement ses hommes. Il sait très bien qu'en faisant pression sur la justice militaire, cela aboutira à un non-lieu. Donc voilà, encore une fois, il a fait ce choix qui est peut-être contestable. Il est facile de juger des décennies après, mais en tout cas, il fallait aussi se mettre à la place de ses acteurs qui étaient un peu dans le brouillard des événements. Mais il est vrai que ces débordements de violence après la guerre rattraperont vite les acteurs en fait qui étaient au cœur du cyclone, quoi. Et donc ce grand-père, Grégoire Kaufmann, vous l'avez redécouvert au-delà de ce qu'on vous en a raconté dans votre famille. Vous l'avez découvert par les archives. L'historien n'est pas juge, mais il constate. D'accord, il y a eu des non-lieux. Quand vous regardez les archives, vous vous dites certains ont été exécutés pour des règlements de compte, en fait, qui n'ont rien à voir avec la collaboration ou la résistance. Bah, en fait, oui, ça relevait essentiellement de la vengeance privée. Il s'agissait de cas de collaboration économique qui méritait probablement pas la mort. Donc là aussi, ça pose aussi le problème de ces débordements survenus dans le feu des journées libératrices. Et puis, dans votre démarche, il y a quelque chose de passionnant qui est celle de l'enquête. De l'enquête et de l'aventure. Et en plus, il y a de l'émotion parce que ça touche directement votre famille. Je prends un passage, mais presque au hasard, parce qu'on est tout de suite dedans. Par un début d'après-midi ensoleillé du mois de septembre, n'y tenant plus, je prends la route vers Rueil-Malmaison sur mon scooter. Je traverse le bois de Boulogne, puis sur Rennes. La voie que je cherche est située aux abords du château, dans un quartier planté de résidences au vaste jardin, etc. Vous racontez l'enquête. Vous, en tant qu'historien, vous mettre en scène ainsi transforme aussi le regard qu'on peut avoir sur son objet d'étude, en l'occurrence l'épuration à Quimperlé. Oui, enfin, c'était un choix un peu nouveau pour moi de mettre en scène ma propre recherche. Normalement, l'historien, son moi reste en coulisses, hein. Il se met pas en avant, il utilise peu la première personne. Là, j'ai vraiment tenté, en fait, de tenir le carnet de mon enquête pour essayer d'aller retrouver les témoins, les descendants, et notamment les descendants des personnes exécutées par la résistance quimperloise. J'ai réussi à en retrouver un certain nombre. Et j'avais donc envie, oui, évidemment, à la fois de retracer cette enquête et aussi aller au cœur de l'intimité familiale en essayant de comprendre quel avait été ce secret de famille qui a poursuivi en fait les membres de ma famille dans un certain sens assez longtemps après la guerre. Et puis donc vous le dites, vous avez été retrouvés ces gens quand ils étaient en action. Nous avions des gens d'une vingtaine d'années, c'est la jeunesse. Puis vous trouvez des personnes âgées. Quelle émotion cela vous donne et surtout quelle portée vous donnez à ces témoignages avec cette patine du temps et surtout cette relecture en fait de leur propre action. J'essaie de faire vraiment attention parce que j'ai retrouvé certains acteurs des événements qui, dans les années 2015-2016, lorsque je menais mes recherches, ils sont décédés depuis. Et j'ai tenté, dans la mesure du possible, de recouper ces témoignages avec les archives départementales, militaires, familiales que j'avais pu retrouver, en faisant évidemment très attention au statut du témoignage qui est toujours problématique en histoire. Voilà la démarche classique, mais quelque chose qui dépasse en fait la plupart des historiens dans ce que vous faites, c'est que là il y a de l'émotion et quand vous trouvez une trace de votre grand-père, il y a cette émotion, il faut la combattre ou il faut se laisser guider par l'émotion? Moi j'ai tenté en fait de me laisser un peu porter aussi par un regard un peu subjectif et personnel et par cette émotion et encore une fois avec cette rencontre très émouvante avec ce grand-père, cet inconnu avec lequel j'ai pu faire connaissance en menant ces recherches. Une recherche qui, nous, on ne le connaissait pas, votre grand-père, mais grâce à vous, Grégoire Kaufmann, on le connaît, c'est Hôtel de Bretagne. Mais ce qu'on voit surtout, ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, c'est aussi une démarche d'historien. Et en ça, c'est intéressant, une démarche d'homme, mais une démarche d'historien. Il est temps aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, d'écouter un autre procès. L'évocation d'un autre procès, c'est avec Anaïs Quien, dans son journal de l'histoire, un procès très attendu. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Alors ce matin, dans le journal de l'Histoire, l'ouverture d'un procès donc qui est attendu. La phase préliminaire d'un procès historique s'est ouverte le 29 novembre devant la Haute Cour de Cassation et de Justice de Bucarest. Sa mission, juger pour crime contre l'humanité Ion Iliescu, ancien président de Roumanie, qui a pris la tête du pays au lendemain de l'effondrement du régime communiste de Nicolae Ceaușescu, que tout le monde connaît, ou en tout cas en a le souvenir. C'est la responsabilité d'Iliescu qui est mise en cause dans la mort de 862 personnes intervenues au moment de la révolution qui achève une dictature de plus de 30 ans. La nature même de ce mouvement de contestation pose question. Était-il si spontané et si populaire qu'on le prétend ? Vincent de Cointet s'en est emparé dans un documentaire qui tombe à pic, diffusé dimanche soir à 22h35 sur France 5. Le procès de Ceaușescu, une révolution volée, questionne la confusion de ce moment. À la fin de cette année 1989, Ceaușescu est à la tête d'une autocratie en crise et refuse toute ouverture politique malgré la chute du mur de Berlin et l'annonce par Mikhail Gorbatchev de la fin de la guerre froide. Mais les Roumains investissent la rue, contestent le régime, bientôt rejoint par l'armée, au point de faire fuir le dirigeant le 22 décembre. Et quelques minutes après, on voit l'hélicoptère qui vient ici, sur le côté droit du building, et on voit l'hélicoptère qui essaie de voler, de décoller. Il décolle avec beaucoup de difficultés, comme s'il était trop plein, ce qui était effectivement le cas, et il disparaît. Et quelqu'un dit « Ceaușescu n'est plus là, il a pris la fuite ». La dernière dictature communiste d'Europe s'est effondrée en quelques jours. Les époux Ceaușescu sont exécutés le 25 décembre après un procès expéditif. Ce qui est en cause dans le procès Iliescu, c'est justement cette période critique entre le ralliement de l'armée et la mort de Ceaușescu. Si 200 morts sont imputés à la répression d'État des premiers jours de la contestation, plus de 800 morts et 2000 blessés intervenus après le ralliement de l'armée restent inexpliqués. Les accusations de plus en plus étayées désignent certains dignitaires du régime et l'état-major, proche de Ceaușescu avant les émeutes, d'avoir entretenu une diversion en attendant de s'assurer l'appropriation du pouvoir laissé vacant. À un moment donné, j'étais dans le bâtiment de la télévision. J'interviewais le patriarche de Roumanie. Et tout d'un coup, les gens ont commencé à fuir le bâtiment. En quelques secondes. J'ai appris ensuite que quelqu'un avait dit qu'un groupe de parachutistes avait sauté sur la télévision. Et donc, tout le monde s'est mis à courir, et moi aussi. C'était vraiment une vraie psychose à l'époque, et il était très difficile de savoir d'où venaient les informations. Les fausses nouvelles circulent à plein régime en Roumanie et à travers le monde entier, à commencer par les images qui ont fait date du charnier découvert à Timișoara. Un temps attribué aux exactions du régime, le fait paraissait crédible à l'époque. On sait depuis qu'il s'agissait d'une fosse commune de l'hôpital voisin. De nombreux journalistes étrangers, notamment français, gardent l'amer souvenir d'avoir mordu à l'hameçon de cette découverte mystifiée. On parle aussi de terroristes libyens à la solde de Ceaușescu, débarquant du ciel pour empoisonner les civils et reprendre le pouvoir. Cette séquence de folles rumeurs prend fin avec les images très médiatisées du procès du couple Ceaușescu, qui montre la procédure expéditive employée par ceux qui s'apprêtaient à récupérer le pouvoir à leur profit. Ils ont voulu le liquider pour ne pas... comment dire... pour ne pas débattre de ce que représentait le communisme. Pour ne pas identifier les coupables, ne pas déterminer les causes de ce qui s'était réellement passé. Les Roumains avaient besoin de vérité. Ils avaient besoin de parler à voix haute. Ils se taisaient depuis 50 ans. Le procès a empêché tout cela de se réaliser. Et c'est à la justice qu'il appartient aujourd'hui d'amorcer le bilan du régime du communisme roumain au cours des audiences du procès de Ion Iliescu, qui a dirigé l'État, rappelons-le, lors de deux mandats entre 1989 et 1996, puis entre 2000 et 2004. S'il est aujourd'hui accusé de crimes contre l'humanité, il l'est aussi d'avoir confisqué la révolution au peuple qui se soulevait contre sa dictature. Merci beaucoup Anaïs. Le procès des Ceaușescu, une révolution volée de Vincent de Cointès. Et sur France 2, c'est dimanche soir à 22h30. Tous les liens et les infos à retrouver sur la page du journal de l'histoire franceculture.fr. Merci beaucoup Simon Grivet de nous avoir apporté votre éclairage au moment où Donald Trump annonce la reprise des exécutions au niveau fédéral. Merci beaucoup Grégoire Kaufmann pour nous avoir réservé une chambre à l'hôtel de Bretagne et nous avoir fait rencontrer votre grand-père et surtout une période et une démarche d'historien. C'était le cours de l'histoire, des émissions à réécouter sur le site internet, le cours de l'histoire en ligne comme ça, ou en balado-diffusion, en podcast. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Toscan Viudes, Camille André, Alice Rouet. La semaine prochaine, l'année 1979, quand le monde s'embrase, oui, année de désespoir, la fin des espoirs. En 79, les crises qui couvaient depuis des décennies surgissent en Pologne, en Iran. C'est l'année que nous allons explorer la semaine prochaine.